بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc alhamdulillah rabbil alamin. J'aimerais commencer, parce que là on va commencer notre dars bientôt pour expliquer al-usul al-thalatha, les trois fondements de l'islam, les trois principes de l'islam, écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Mais avant tout, j'aimerais alhamdulillah commencer par glorifier Allah subhanahu wa ta'ala et le remercier de nous avoir guidé à cette voie et de nous avoir expliqué et de nous avoir fait comprendre la réalité de l'islam par le Coran et par la Sunna, et de suivre cette compréhension de l'islam qui est la compréhension des salaf, parce que c'est une des plus grandes miséricordes et une des plus grandes ni'mah qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut avoir fait à un être humain, yani. Déjà qu'il nous a guidé à l'islam et en plus il nous a guidé à la Sunna, donc c'est une double miséricorde. Deuxièmement, j'aimerais vous rappeler qu'il est très important, lorsqu'on commence maintenant un nouveau livre et un nouveau dars, inshallah, de comprendre que il faut avoir la sincérité dans nos intentions lorsqu'on étudie quelque chose qui a rapport avec ad-din, et dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on fait, il faut aussi avoir un ikhlas, c'est-à-dire la sincérité dans nos intentions, pour que ce soit purement et uniquement pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un autre point que je voudrais mentionner aussi avant de commencer, c'est que sachez que lorsque on s'assoit puis on étudie notre religion de cette façon, on est en train de rechercher la science. Et le fait de rechercher la science, c'est une des plus grandes barakas et une des plus grandes ni'mas que Allah subhanahu wa ta'ala donne à un être humain. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah subhanahu wa ta'ala va faire élever en degré ceux d'entre vous qui ont cru, et ceux qui ont reçu al-ilm, وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Donc ça veut dire, est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont égaux? C'est seulement ceux qui possèdent la raison ou qui possèdent la tête qui se souviennent et qui se rappellent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, il explique clairement que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ne sont pas égaux. D'accord? Donc alhamdulillah, ceux qui ont acquéri la connaissance et qui connaissent Allah subhanahu wa ta'ala et qui connaissent sa religion, eux sont capables de l'adorer avec plus de profondeur, plus de compréhension, et bien entendu le but de la connaissance, c'est l'application, et ça on va l'apprendre en étudiant l'explication du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Lorsqu'on va étudier son livre al-usul al-thalatha, on va voir qu'il met beaucoup d'importance là-dessus. Donc c'est ça. Et puis comme dernier point avant de commencer, important de comprendre que le livre qu'on va étudier, c'est un livre écrit par un des imams, parmi les imams de la da'wah al-salafiyya, c'est-à-dire les da'wah d'Ahl-Sunnati wal-Jama'ah. Et donc c'est une étude et un livre qui sera pour vous un arme dans votre chemin sur, ou bien dans votre voie vers l'application de l'islam et la compréhension de l'islam. C'est un bouclier et c'est un arme, hein, parce que le meilleur bouclier et la meilleure arme, c'est la connaissance. Arme, une arme, non, pardon. C'est bien, il faut me corriger si je me trompe là. Parce que des fois, je parle puis je ne me rends même pas compte moi-même. Quand je parle, je fais plein d'erreurs. Tayyib, donc, alhamdoulilah, rabbil alamin. Donc, on va commencer aujourd'hui, avant de rentrer directement dans le livre, on va expliquer un petit peu de la vie du cheikh ou de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Pour essayer de comprendre qui il est, et puis comme ça, ça va nous aider à comprendre le contexte du livre, et puis de nous aider à comprendre même le sujet. Bon, on sait que, comment on a compris déjà à travers les durus qu'on a déjà fait, comment se sont développés les bid'ahs, hein, à travers l'histoire. On sait que lorsque les Jahmiyyah et les Mu'tazila sont apparus, il y a eu l'imam Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab qui est venu pour écraser cette bid'a et pour les réfuter. Par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala a fait susciter l'imam Ibn Taymiyyah, hein, qui a réfuté également lui aussi d'autres catégories de bid'a qui s'étaient répandues parmi les musulmans. Au début, c'était l'imam Ahmad. J'ai dit qui? Pardon. Je recommence. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, l'imam Ahmad, premièrement, Allah a suscité l'imam Ahmad, et qui est apparu lors de la fitna des Jahmiyyah, et il est venu et il a réfuté ces gens-là. Ensuite, il y a eu l'imam Ahmad ibn Taymiyyah, et lui, il a réfuté d'autres groupes parmi les groupes de bid'a comme Al-Asha'ira, Al-Mu'tazila et les autres groupes de bid'a également, le Soufiya et tous les autres aspects. En fait, Ibn Taymiyyah a écrit des textes et des livres sur tous les groupes et toutes les sectes de bid'a. D'accord? Et c'est pour ça que tous les gens de bid'a le détestent. Et ils le détestent d'une animosité incomparable. D'accord? Donc, c'était pour le cheikh Ahmad ibn Taymiyyah. Maintenant, par la suite, il y a eu le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab qui est venu, lui aussi également, vers la fin du 12e siècle, Hijri, ou le début, en tout cas c'est en 1115 Hijri, qui est venu pour également affronter les gens de bid'ah et expliquer et ramener la compréhension pure de l'islam, c'est-à-dire par rapport au Coran et à la Sunna, selon la compréhension des salafs. D'accord? Donc, dans l'introduction d'un livre écrit par Salih al-Fawzan, dans son explication de Kashf al-Shubuhat, il a mis une petite biographie. J'ai trouvé que c'était bien expliqué, donc c'est ce qu'on va lire aujourd'hui, Inch'Allah, avec certaines réfutations des gens qui ont attaqué la da'wah de Muhammad Abdul Wahhab et qui ont inventé à son sujet toutes sortes de blasphèmes et de calomnies. D'accord? Donc, on va essayer de faire tout ça aujourd'hui, Inch'Allah. Donc le cheikh il dit à propos de cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit فهو الشيخ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن مشرف التميمي النجدي ولد رحمه الله ببلدة في بلدة العيينة. Donc le cheikh il donne son nom et toutes ses descendants. Il dit que c'est l'imam cheikh le mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab, hein. Souvent les gens, quand ils parlent du cheikh, ils parlent de ceux qui le suivent, ils les appellent des Wahhabiyoun, hein. Ils les appellent al-Wahhabiyya, d'accord. Son nom c'était Muhammad. Son père s'appelait Abdul Wahhab, d'accord. Donc de les appeler Wahhabiyya, ça n'a aucun rapport puisque c'était pas son nom, c'était le nom de son père. Non, exactement, ils ne pouvaient pas dire Muhammadiyya, donc ils les ont appelés Wahhabiyya. Et plusieurs parmi les ulama ont dit, subhanallah, si on les appelle Wahhabiyya, c'est vrai qu'on est Wahhabiyya puisqu'on adore Al-Wahhab, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc il y en a parmi les chiens, certains qui ont dit ça de cette façon-là pour dire, bon, s'ils nous disent qu'on est des Wahhabiyya, alhamdulillah, on adore Allah subhanahu wa ta'ala qui est Al-Wahhab. Donc c'est dans ce sens-là, oui, on est des Wahhabiyya. Mais on va comprendre plus tard qui a inventé cette appellation-là, puis pourquoi ils l'ont amené pour catégoriser les gens qui suivent Al-Kitab al-Sunnah à la fahm al-Salaf. Donc il est né dans la ville de Uyayna, wa hiya qarya shamal al-Riyad, wa kanat mahal usratihi. C'est une ville qui s'appelle Uyayna, c'est là où il est né. Qarya, c'est un village. Je dis ville, mais village, ou Balba, il a dit Balba, wa hiya qarya fi shamal al-Riyad, c'est dans le nord de Riyad, d'accord. Et c'est là que sa famille demeure. C'est là que demeurait sa famille. نشأ في بيت علم فأبوه كان القاضي في البلد وجده الشيخ سليمان كان هو المفتي المرجع للعلماء وأعمامه كلهم علماء. Donc le cheikh, il est né dans une maison d'ilm. Son père était le juge dans cette ville-là, et son grand-père, Cheikh Sulayman, eh bien lui, il était le mufti de cette ville. Et c'était comme une référence pour tous les ulama de la région. Et tous ses oncles étaient tous des ulama. Mohammed Abdul Wahhab. D'accord, il est né dans une maison d'ilm. Et ça me fait penser aussi à le même exemple que Cheikh Ahmed ibn Taymiyyah. Hein? Parce que lui aussi, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, son père, son grand-père et son arrière-grand-père étaient des ulama. D'accord, donc. C'est des ulama qui sont nés dans des maisons de science. Le cheikh dit ça, ودرس على يد أبيه عبد الوهاب وعلى أعمامه منذ صغاره فحفظ القرآن قبل أن يبلغ من سن العاشرة. Donc il a étudié avec son père et avec ses oncles depuis qu'il était tout petit. Il a appris le Coran avant d'avoir 10 ans. فاشتغل في طلب العلم وحفظ القرآن على أبيه. Donc il a étudié, il a cherché العلم, puis il a appris le Coran de son père. قرأ كتب التفسير والحديث حتى برع في العلم وهو صغير وأعجب أبوه والعلماء من حوله بذكائه ونبوغه وكان يناقش في المسائل العلمية حتى أنهم استفادوا من مناقشته فاعترفوا له بالفضل ثم إنه لم يكتفي بهذا القدر من العلم وإن كان فيه الخير إلا أن العلم لا يشبع منه. Donc il a lu les livres de tafsir et de hadith, et il a acquis quand même une grande quantité d'ilm depuis qu'il était tout petit, et même son père ainsi que les ulama qui étaient autour de cette région-là, ils étaient tous étonnés et éblouis de son intelligence, et des fois il discutait avec eux sur des questions de la religion, et il prenait plusieurs bénéfices de lui, hein. Ça, exactement, on parle de Muhammad ibn Abdul Wahhab, c'est de lui qu'on parle. Donc lui, et il reconnaissait tous qu'il avait une grâce, et malgré ça, le chef, il ne s'était pas satisfait de ce qu'il avait déjà de connaissances, mais il a voulu encore apprendre un peu plus. Alors, parce que on n'est jamais satisfait, on n'est jamais rassasié de la connaissance, on en veut toujours plus. Donc le cheikh, il dit, فرحل لطلب العلم وترك أهله ووطنه وسافر إلى الحج وبعد الحج ذهب إلى المدينة والتقى بعلمائها في المسجد النبوي. Donc il est parti pour chercher l'ilm, il a quitté sa famille et sa terre là où il est né, et il est parti pour le Hajj. Et après le Hajj, il est parti à Médine, et là il a rencontré le ulama de Médine et les chouks de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, il mentionne pas son âge, mais peut-être plus tard on va voir, peut-être qu'il mentionne. Allahu alam. Mais il était jeune quand même. Il est né en 1115. Donc le cheikh il dit, وخصوصا الشيخ عبد الله ابن إبراهيم ابن سيف وكان إماما في الفقه وأصوله وهو من أهل نجد من أهل المجمع في سدير. Donc parmi les cheikhs qu'il a rencontré, c'était le cheikh عبد الله ابن إبراهيم ابن سيف, et c'était un imam dans le fiqh et dans l'usul al-fiqh, et il venait, il était d'origine des gens de Najd, et des gens de Al-Majma'a. C'est un endroit qui s'appelle Majma'a, ou une famille qui s'appelait Majma'a, et c'est dans la partie qui s'appelle Soudair. Et le cheikh dit « وَكَذَلِكَ إِبْنُهُ إِبْرَاهِيمُ إِبْنُ عَبْدِ اللَّهِ مُؤَلِّفُ كِتَابَ الْعُزْبُ الْفَائِضِ شَرْحْ أَلْفِيَةُ الْفَرَائِضِ » Donc, il a étudié avec son fils également, qui s'appelait Ibrahim ibn Abdullah. C'est lui qui a écrit un livre qui s'appelait Al-Uzb al-Fa'id, qui explique les règles de l'héritage. Hein, c'est un livre dans le fiqh qui explique les règles de l'héritage. Il a étudié avec ce cheikh qui a écrit ce livre-là. والتقى كذلك بالمحدث الشيخ محمد حياة السندي وأخذ منه إجازة في مروياته من كتب الحديث. Donc il a étudié avec un cheikh qui était à Médine également, qui est d'origine de l'Inde, et qui s'appelle Cheikh Mohammed Hayat Al-Sindi, qui était un des grands muhaddis à cette époque-là. Et il a pris de lui une ijaza pour les livres de hadith. Et une ijaza, qu'est-ce que c'est? C'est si tu veux, c'est un peu comme, une sorte de certificat ou de diplôme à cette époque-là, que lorsque une personne étudiait avec un cheikh, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de diplôme comme aujourd'hui, mais le cheikh, après que tu as terminé d'étudier avec lui, il te donne une permission de lire ou d'enseigner ces livres-là en son nom. Hein? Ou de dire que le cheikh lui permet de dire qu'il a appris de ce cheikh-là. Ça veut dire ijaza. Exactement. Et puis il y a souvent une sanad qui vient avec ça, c'est-à-dire une chaîne du livre. Pour ce livre-là, la plupart des livres, ils ont une sanad, c'est-à-dire une chaîne de narrateurs, de l'auteur jusqu'au cheikh qui l'enseigne, et donc le cheikh, il a cette ijaza, et en même temps, il a une sanad, c'est-à-dire il y a une chaîne qui le relie directement à l'auteur du livre jusqu'à lui. Donc ça veut dire qu'il a pris le livre et la compréhension de ce livre des gens de la source, hein. C'est ça que ça veut dire. Voilà, des gens qui l'ont appris de génération en génération. Donc, après le cheikh il dit, « ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بِلَادِهِ » Il est retourné par la suite à son pays. Mais, bien entendu, il a étudié avec plus que ça d'entre les chouyoukhs, sauf que le cheikh ne les a pas tous mentionnés, mais il y en a plusieurs autres. Par la suite, le cheikh il dit, il est retourné à son pays. « وَلَمْ يَكْتَفِ بِهَذَا » بل سار إلى بلاد الإحساء في شرق بلاد نجد وفيها العلماء من حنابلة وشافعية ومالكية وحنفية وأخذ عنهم خصوصا عن الحنابلة ومنهم محمد بن فيروز وعبد الوهاب بن فيروز أخذ عنهم الفقه. Donc le cheikh n'était pas encore satisfait de qu'est-ce qu'il avait acquis de science. Il est parti encore une fois vers une ville qui s'appelle Al-Ihsa. Et là, il y a beaucoup de ulama dans tous les quatre mazahib, hein, al-Hanabila, al-Shafi'iya, al-Malikiya, al-Hanafiya, et il a appris principalement des Hanabila, puisque sa famille sont du mazhab al-Hanbali, et il a étudié parmi eux, Muhammad ibn Fayrouz, ou Abdul Wahhab ibn Fayrouz, et il a étudié le fiqh avec eux. Wa akhadha an عبد الله ابن عبد اللطيف الإحسائي إيه avec un cheikh qui s'appelle عبد الله ابن عبد اللطيف الإحسائي إيه ولم يكتفي بهذا بل ذهب إلى العراق إلى البصرة خاصة وكانت آنذاك أهلة بالعلماء في الحديث والفقه فأخذ عن علمائها خصوصا الشيخ محمد المجموعي وغيره. Il était pas encore satisfait. Il est parti, il a étudié en Irak et là, et en particulièrement à la ville de Basra. Et à cette époque-là, il était rempli de ulama dans le hadith et dans le fiqh. Donc il a étudié avec les ulama qui étaient là-bas, et parmi eux en particulier le cheikh Mohammed al-Majmoui et d'autres. Donc le cheikh dit « Wa kana fi kulli tanakulatihi iza zafara bi kitabin min kutub Cheikh al-Islam ibn Taymiyya wa min kutub tilmizih ibn al-Qayyim nasakahu bi qalamihi wa nasakha kathiran min al-kutub fi al-Ihsa وفي البصرة فتجمعت لديه مجموعة عظيمة من الكتب. Donc le cheikh il dit que à chaque fois qu'il partait vers un endroit, hein, et qu'il trouvait un des livres parmi les livres de Cheikh Ibn Taymiyyah et de son élève Ibn Al-Qayyim, qu'est-ce qu'il faisait? Il le prenait et il le transcrivait avec sa plume. Et il a transcrit plusieurs parmi des livres comme ça, même à la ville de Al-Ahsa et à Basra et dans d'autres villes. Donc, il avait quand même une bonne quantité de livres par la suite, parce que là, un petit jeune qui est en train de grandir, là, non, parce que c'est l'auteur du livre qu'on va étudier. Donc, on explique c'est qui ce chef. Ok? Et là, comme on dit, à cette époque-là, il n'y avait pas d'imprimante, il n'y avait pas de, les moyens n'étaient pas si faciles qu'aujourd'hui pour transcrire les livres. Donc, le chef, il faisait tout ça à la main. Et vous imaginez quelle patience ça prenait et tout ça. Donc, alhamdoulilah, aujourd'hui, on a toutes sortes de moyens, là, qui nous facilitent les choses. Et des fois, on n'a pas de baraka, on dirait. Parce qu'on n'en profite pas. Hein? Après, le chef, il dit, ثُمَّ إِنَّهُ هَمَّ بِالسَّفَرِ إِلَى بِلَادِ الشَّامِ لما فيها من أهل العلم خصوصا من الحنابلة وأهل الحديث ولكنه بعدما سار إليها شق عليه الطريق وحصل عليه جوع وعطش وكاد أن يهلك في الطريق وأنتم تعلمون الإمكانات في ذلك الوقت وبعد المسافة donc il a voulu par la suite aller vers la contrée de la Syrie pour étudier là-bas, parce qu'il y avait beaucoup d'ulama parmi les Hanabila et parmi les gens de Ahlul Hadith, et il a voulu aller là-bas pour étudier avec eux, mais lorsqu'il est parti, étant donné la longueur du voyage, il a commencé à avoir soif et avoir faim, et puis il a failli mourir, donc il est revenu, hein, et il n'a pas pu malheureusement arriver jusque là-bas. فرجع إلى البصرة وعجل عن السفر إلى الشام ثم رجع إلى نجد بعدما تسلح بالعلم وبعدما حصل على مجموعة كبيرة من الكتب إضافة إلى الكتب التي كانت عند أهله وعند أهل بلده ثم اتجه إلى الدعوة والإصلاح ونشر العلم النافع. donc le chef il dit par la suite, étant donné qu'il n'a pas pu aller en Syrie, il est parti il est retourné à Basra en Irak, et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est, après s'être bien armé de connaissances, etc., il est retourné à Najd, là où il est né. Najd, c'est une région de l'Arabie Saoudite qu'on appelle Najd, qui est proche de Riyad, ouais. Mm-hmm. Et puis, en réalité, comme on va voir peut-être si on a le temps tout à l'heure, Najd c'est un plateau, en fait, ça veut dire en langue arabe un plateau. Et tout endroit surélevé, on appelle ça un Najd, d'accord? Donc, on va répondre en même temps en expliquant ça, la choubha des gens de Bid'a qui accusent les Wahhabis, soi-disant, de suivre quelqu'un qui vient du Najd. On va expliquer pourquoi je dis ça tout à l'heure, Inch'Allah. Donc, il s'est bien armé et il s'est préparé pour faire le da'wa et pour répandre le ilm qui est bénéfique. وَلَمْ يَرْضَى بِأَنْ يَسْكُتْ وَيَتْرُكَ النَّاسَ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ بَلْ أَرَادَ أَنْ يَنْتَشِرْ عِلْمُهُ وَأَنْ يَدْعُ اللَّهِ فَنَظَرَ فِي مُجْتَمَعِهِ فَوَجَدَ فِيهِ مِنَ الشَّرِّ وَالشِّرْكِ الأمور الكثيرة فأخذته الغيرة على دين الله والرحمة للمسلمين ورأى أنه لا يسعه السكوت على هذا الوضع. الشيخ الزي il s'est pas satisfait de se taire et de laisser les gens comme ils sont. Il a voulu que sa connaissance soit répandue et il a voulu appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il a regardé à la société et il a vu qu'il y avait beaucoup de choses mauvaises et qu'il y avait du shirk, c'est-à-dire beaucoup de sortes d'idolâtrie dans la société. Alors il a pris le sens de l'honneur pour la religion d'Allah et la miséricorde pour les musulmans, et il n'a pas voulu rester silencieux devant toute cette situation-là. Cheikh dit, « Wa kana ulama Najd ya'amuna bil fiqh wa hum fil aqibati ala aqibati al mutakallimina min al sha'ira wa ghayrihim laysa lahum imayatan bi aqibati al-salaf كما هو في الشام وفي مصر وغيرها من الأقطار. وكانت العقيدة المنتشرة فيها هي عقيدة الأشاعرة مع ما عند كثير منهم من الإخلال بتوحيد الألوهية. Donc, il dit que la plupart des ulama à cette époque-là, qui étaient dans la région de Najd, ils s'intéressaient plus au fiqh, et dans l'aqida, ils étaient surtout sur l'aqida des Asha'ira, qui déforment le sens des attributs et qui tentent à les nier indirectement. Donc, le cheikh, il dit que la plupart d'entre eux, c'était ça leur aqida, comme c'est le cas dans la région du Sham, hein, en Syrie et en Égypte et dans les autres contrées des pays musulmans, la plupart d'entre eux, ces gens-là, sont sur la aqida des Asha'ira. Donc, on sait qu'il y a ce problème-là, puis aussi il y avait le fait qu'ils négligeaient beaucoup des aspects qui se rapportent au tawhid al-uluhiyya. D'accord? Donc le cheikh dit « Amma aqidat al-salaf, faqalla man ya'ni biha, wa taghat ala al-kathir minhum al-khurafat wal-bida' al-shirk, في العبادة المتمثل أو المتمثل بعبادة القبور هذا من الناحية العلمية. donc il ne s'intéressait pas trop à l'aqida des salaf et يعني il y avait beaucoup de superstitions et d'innovations et de shirk dans l'adoration qui s'était répandue et par exemple le shirk dans l'adoration des tombes hein, qui s'était répandue et ça c'est du point de vue de la connaissance islamique يعني, ça c'est un petit flash yani, pour tout faire comprendre qu'est-ce qui se passait à cette époque-là dans la société de Muhammad Abdul Wahhab au plan de la connaissance islamique. Maintenant, du plan de la politique, le cheikh dit « Amma min al-nahiyat al-siyasiyya fa kanu mutafarriqina laysa lahum dawla tajtami'uhum bal kullu qarya laha amirun mustaqillun biha fal-uyayna فيها حاكم والدرعية فيها حاكم والرياض فيها حاكم وكل قرية صغيرة فيها حاكم وكانت بينهم حروب وسلب ومهد فيما بينهم وبين القرى والبادية. donc le cheikh dit du point de vue politique les gens étaient tous divisés et ils n'avaient pas un état qui les unissait. Donc chaque ville avait un amir et يعني, comme par exemple ils étaient tous chaque amir était indépendant de l'autre. Donc par exemple Al-Uyayna elle avait son chef ou son dirigeant et Al-Dar'iyya elle avait son chef et Al-Riyad avait son dirigeant et ils étaient tous divisés un de l'autre et chaque petite ville ou petite village, chaque petit village avait son propre chef. Et il y avait entre eux des guerres à chaque fois, et des fois même entre les Bédouins et les habitants de ces villes-là, il y avait aussi des guerres. Donc, il n'y avait pas d'unité hein, entre les différentes villes. وَسْأَلْ الْقَرْيَةَ Ouais, ça peut être ça aussi, ça peut être un petit village, ça peut être un groupe de personnes, ouais, ou une ville, ouais. Ouais. Mais là, j'essaie d'utiliser quand je dis ville, pour vous faire comprendre un petit peu de... le concept. Bon, donc ça c'était l'aspect siyasiya, c'est-à-dire politique, et il dit من الناحية السياسية كانت البلاد في قلق وتفرق وفي تناحر وضياع حتى أن أهل البلد الواحد يقاتل بعضهم بعضا أو بعضهم بعضا. C'est ça. Donc ils étaient tous dans des combats et des luttes internes, et ils étaient tous en train de se combattre les uns les autres dans la même ville. Hein, il y avait des combat entre les habitants, etc. Donc ici, le cheikh dit وفي بلاد نجد عبادة القبور والاستغاثة بالأموات فقد كانت عندهم قبور من الصحابة كقبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه الذي استشهد مع جماعة من الصحابة في حرب مسيلمة الكذاب وكانوا يستنجدون بها ويستغيثون بها على قبر زيد قبة كانوا يأتون إليها من بعيد وهي مشهورة عندهم. donc le chef dit que même dans cette région là dans le Najd il y avait l'adoration des tombeaux et il cherchait toujours à demander le secours des morts à l'istirata, c'est-à-dire de chercher de demander l'aide des morts et le secours des morts, comme par exemple ils vont dire ya Zayd ibn al-Khattab arithna, ils vont demander Zayd ibn al-Khattab parce que c'était à cet endroit-là que il y avait des tombeaux de certains des sahaba qui étaient enterrés, parce que quand il y avait eu la guerre entre les sahaba et Musaylama, c'était un faux prophète qui s'était déclaré hein, oui Musaylama al-Kadhdhab, le menteur, alors lorsqu'il est sorti, les Sahaba l'ont combattu. Et parmi ceux qui sont morts là-bas, il y avait Zayd ibn al-Khattab. Zayd ibn al-Khattab. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bâti sur sa tombe un dôme et un sanctuaire. Donc ils allaient à cet endroit-là et ils demandaient à ces gens-là de les pardonner ou de leur donner quelque chose de la dunya ou des choses de ce genre. Donc ils demandaient le secours de ces personnages-là qui étaient dans leur tombe. Donc ils venaient de très loin, des fois ils faisaient un long voyage pour arriver à cette tombe-là pour aller demander quelque chose à celui-là, c'est-à-dire à ce sahabi, alors que ça c'est complètement contraire à l'islam, c'est shirk, et de construire des dômes, on a expliqué déjà que ça c'est contraire à l'islam, si de mettre ça, de construire quoi que ce soit sur une tombe. Alors ça c'est un exemple, qu'est-ce qui se passait, puis le shirk il dit « وَعِنْدَهُمْ أَشْجَارُ وَنَخِيلٌ يَعْتَقِدُونَ فِيهَا وَيَتَبَرَّكُونَ بِهَا بَلْ كَانَتْ عِنْدَهُمْ النِّحَلْ الْبَاطِلَةِ مثل الصوفية ووحدة الوجود في الرياض والخرج وهكذا كانت حالتهم الدينية والعلماء ساكتون عن هذا الوضع بل إن بعض العلماء يشجعون على هذه الخرافات ويؤيدونها donc le chef dit que ils avaient même certains arbres et certains palmiers et ils croyaient que certains de ces arbres et de ces palmiers là avaient quelques barakas dedans. Donc ils allaient vers ces arbres et vers ces palmiers, etc. Et ils allaient toucher à l'arbre ou faire quelque chose pour avoir une baraka de l'arbre. Et parmi eux même, il y avait même certaines des turuqs parmi les soufis qui ont les croyances de wahdatul wujud. Hein, et ça c'était Ariyad et Al-Kharaj. Et la plupart des turuqs soufis, ils ont tous ça comme fondement, c'est-à-dire wahdatul wujud, même aujourd'hui. Non. نعم صلى الله عليه وسلم نعم ils exagèrent même, je ne sais pas si je vous ai déjà raconté, peut-être pas à vous, mais il y en a des frères qui l'ont entendu parce que je l'ai dit, je me souviens, c'est que quand certains des gens qui vont nettoyer à l'intérieur de la chambre de Aïcha, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est enterré, des fois ils entrent pour aller nettoyer. Donc qu'est-ce qu'ils font certains d'entre eux, c'est des gens, souvent c'est des ignorants, et Ali, c'est des gens qui viennent, qui travaillent là-bas, mais ils savent pas grand-chose de l'islam, malheureusement. Donc ils prennent de la terre ou de la poussière qui sont là, ils les mettent dans des petits pots, puis ils les vendent, ils les vendent aux hajjaj, aux gens qui viennent pour le hajj. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent cette poussière, et puis ils la mettent dans l'eau, puis quand ils arrivent chez eux, dans leur pays, ils se lavent avec. Avec pour enlever des maladies ou des choses de ce genre. Et ça, c'est, sans aucun doute, ça n'a rien à voir avec la terre et la poussière, peu importe de quelle tombe elle vient, peu importe d'où elle vient, elle n'a aucun pouvoir. Elle ne peut pas te nuire, elle ne peut pas te profiter en quoi que ce soit. Hein, et tout ça, c'est sous la décision d'Allah et le contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est des exemples de ce qui se passait, et le cheikh il dit que les ulama à cette époque-là, dans cette région-là, beaucoup d'entre eux étaient silencieux, c'est-à-dire ils se taisaient devant toutes ces choses-là, et même qu'il dit parmi eux, il y en a qui encourageaient ces superstitions-là, et qui les aidaient là-dedans, parce que des fois, il y en a beaucoup parmi eux, surtout les soufis, et ils vivent de ça, c'est leur gagne-pain, lorsqu'ils ont réussi rendre les masses soumis à eux et à ces superstitions-là, et bien ils sont capables par la suite de leur soutirer de l'argent de toutes sortes de façons, soit pour leur faire des tours de magie, des superstitions ou des sortes de protections ou des guérisons ou des trucs comme ça, et la plupart des gens ne sont pas éduqués malheureusement, connaissent pas le tawhid, alors ils continuent et ils vont voir ces personnages-là et ils leur donnent de l'argent pour faire ça. Donc c'est ça qui est dommage, Allah musta'an. Donc quand le cheikh a vu ça, il dit فلما رأى رحمه الله حال المسلمين تحرك للدعوة إلى الله جل وعلا وقام يدعو إلى الله ويدرس التوحيد وينكر هذه الشركيات والخرافات ويقرر منهج السلف الصالح فتكون عنده تلاميذ من الدرعية والعيينة ممن أراد الله له الخير. Donc le cheikh quand il a vu ça, il s'est mis en marche, il a commencé à travailler fort pour faire fonctionner, pour avancer dans le da'wah, pour répandre la connaissance du Coran et de la Sunna. Alors il a commencé à appeler les gens au tawhid et à rejeter ces formes d'idolâtrie et de superstition, et il a établi le manhaj des salaf al-salih. Alors il a eu un grand nombre d'élèves dans la ville de Dar'iyya et à la ville de Uyayna, parmi ceux pour qui Allah a voulu le bien. Après le chef il dit: ثم إنه اتصل بأمير العيينة وعرض عليه الدعوة فقبل منه الأمير ووعده بالمناصرة في أول الأمر وهدم قبة زيد ابن الخطاب حيث طلب من الأمير هدمها لأنه لا يمكن أن يهدمها إلا من له سلطة، أما الفرد فلا يستطيع ذلك فاستجاب له الأمير. Donc le cheikh il dit, qu'est-ce qu'il a fait le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab? Il est allé voir l'amir de la ville de Uyayna et il l'a appelé, il lui a donné le da'wah. Donc l'amir a accepté au tout début et il a accepté de le supporter dans cette da'wah-là. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé de détruire le dôme qui était sur la tombe de Zayd ibn Khattab et il l'a fait, d'accord? Dar'iyya, Al-Uyayna, Al-Uyayna. Donc qu'est-ce qu'il a fait? C'est ce qu'il a fait, l'amir est allé puis il a détruit le dôme sur la tombe de Zayd ibn Khattab. Et il dit le cheikh que lui-même ne pouvait pas la détruire, parce que c'est seulement celui qui a une autorité qui a le droit de faire une chose pareille. C'est-à-dire, quelqu'un ne peut pas juste aller puis dire bon, un bulldozer puis on va détruire telle chose, parce que ça va faire plus de désordre que qu'est-ce qu'on veut enlever, d'accord? Il faut que ce soit une personne qui possède une autorité pour être capable, pour pouvoir avoir le droit de changer le munkar de cette façon-là, ok? Et ça fait partie de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal, d'accord? Par la suite, le cheikh il dit, l'amir a accepté, donc il a détruit le dôme selon qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné à Ali ibn Abi Talib. Lorsqu'il a envoyé à Ali ibn Abi Talib, il a dit je vais t'envoyer dans une mission, et il a dit tu dois détruire toute tombe qui est surlevée au-dessus du niveau de la tête, tu dois la niveler, et toute statue ou image tu dois la détruire. Et donc c'est ça qu'il est parti, Ali ibn Abi Talib, il est parti avec un groupe et il a détruit tous les tombes qui étaient surlevées et il les a nivelées et il a détruit les statues et les images qui étaient sur sa route. Et par la suite, même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé un sahabi faire la même chose. Et il a dit je vais t'envoyer dans une mission que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé lui-même faire, et il lui a dit chaque tombe que tu trouves qui est surlevé plus haut que le niveau de la terre, tu dois la niveler, et toute statue que tu trouves dans ton chemin, tu dois la détruire. Et donc c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné. Et donc en ordonnant cela, c'est ça que en faisant ça, c'était en suivant l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de détruire ces choses-là, d'accord? Donc le cheikh il dit: وجاء إلى الشيخ امرأة اعترفت بالزنا وطلبت منه أن يقيم عليها الحد فردها حتى تكررت عليها الطلب مثل ما فعلت الغامدية رضي الله عنها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأقام عليها الحد ورجمها. Donc le cheikh il dit qu'il y a une femme qui est arrivée et qui est venue voir le cheikh Mohammed Abdul Wahhab, et elle lui a dit qu'elle lui a admis qu'elle avait commis l'adultère, qu'elle avait commis l'adultère, et elle a demandé au cheikh d'établir sur elle la punition de la lapidation. Comme la femme al-Ramidiyya, elle était allée voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander d'appliquer sur elle cette punition-là. Au début, le cheikh, rahimullah, il l'a renvoyé, il n'a pas voulu. Mais elle a continué, elle a insisté à revenir plusieurs fois, alors comme c'était arrivé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a établi sur elle la punition et il l'a lapidée. فلما بلغ أمير الأحساء هدم القبة وأنه رجم أو رجم المرأة أرسل إلى أمير العيينة وقال إما أن تطرد هذا المطوع وإلا قطعت عنك المساعدة التي أرسلها إليك. Donc, qu'est-ce qui est arrivé par la suite, c'est, ça fait partie du test, yani pour ceux qui appellent à Allah. À chaque fois que quelqu'un va faire des efforts pour appeler les gens au droit chemin et à l'islam, il aura des épreuves à faire face. Et ça, ça fait partie des exemples. Lorsque l'amir de Al-Ahsa, une autre ville, a entendu que le cheikh avait fait démolir Al-Qubba et qu'il avait lapidé une femme, il a envoyé un messager à l'amir de Al-Uyayna et il lui a dit, soit que tu chasses ce chef, il l'appelle Al-Mutawwi', et ça c'est une expression, souvent ils appellent les gens qui ordonnent le bien, qui interdisent le mal et qui pratiquent l'islam, dans certains pays musulmans, ils les appellent mutawwi', c'est-à-dire quelqu'un qui est religieux, non pas imposteur, mais mutawwi', c'est-à-dire quelqu'un qui fait plus, qui est trop religieux, tu vois, c'est ça, c'est comme une expression, mais extrémiste ou pas, c'est comme si, par exemple, quelqu'un qui est un bon musulman, qui pratique l'islam, puis qui ordonne le bien, qui interdit le mal, on l'appelle mutawwi'. Mais dans le sens du cheikh Mohammed Abdelwahab, qui est un des ulama, de l'appeler mutawwi', c'était comme pour le rabaisser en même temps, parce que c'est pas un simple mutawwi', mais c'est un alim parmi les ulama. Donc, il dit, soit que tu chasses ce cheikh, ou bien je te coupe mon aide que je t'envoie. Il lui envoyait régulièrement une aide probablement économique, financière. Donc il dit, soit que tu le chasses, ou bien je ne t'aide plus. Alors le chef dit, فَجَاءَ الْأَمِيرُ إِلَى الشَّيْخِ وَعَرَضَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ وَقَالَ أَنَا لَا أَقْدِرُ أَنْ أُقَاوِمَ هَؤُلَاءَ فَأَدَّأَهُ الشَّيْخُ ووعده بالخير وأن يتوكل على الله وأن الرزق بيد الله وأن هذه عقيدة التوحيد من قام بها فإن الله يعينه وينصره ولكن الأمير أصر على خروج الشيخ من بلده فخرج الشيخ من العيينة في وقت القيلولة وذهب إلى الدرعية. Donc le cheikh, qu'est-ce qui est arrivé? Il est allé voir le Mohammed Abdul Wahhab, l'amir est allé voir le cheikh Mohammed Abdul Wahhab et il lui a fait comprendre la situation. Et il lui a dit, je peux pas te garder et te défendre. Donc, il a essayé d'adoucir le cheikh et il lui a promis du bien. Mais le cheikh lui a dit qu'il devait essayer de mettre sa confiance en Allah. Il a dit à l'amir de mettre sa confiance en Allah parce que le risque, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et que ça fait partie du tawhid, hein. Et s'il est patient et endurant dans cette voie-là, Allah va l'aider, il va le supporter. Il n'aura plus besoin de l'aide de l'amir de Al-Ahsa. Mais malheureusement, l'amir de cette ville-là, Dal'iyah, il a refusé de continuer à supporter le cheikh. Alors il lui a demandé de quitter. Et le cheikh, il est sorti et il est parti vers une autre ville qui s'appelle Al-Uyayna. Il a quitté Al-Uyayna pour aller à la ville de Dar'iyya. Je me suis trompé, j'ai mélangé les deux. وكان له فيها تلميذ من خيار التلاميذ يقال له ابن سويلم فذهب الشيخ من العيينة إلى الدرعية ليس معه إلا المروحة البدوية يهوي بها على وجهه وهو يمشي ويقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Donc il est parti vers الدرعية. Il a quitté Al-Uyayna, il est allé vers Al-Dar'iyya et il est allé voir un de ses meilleurs élèves qui s'appelait Ibn Suwaylim. Ibn Suwaylim. Donc il est parti, le cheikh il est parti vers Al-Uyayna, de Al-Uyayna vers Al-Dariya, il n'avait rien d'autre avec lui que l'éventail, un éventail que les bédouins utilisent, et ils utilisaient ça pour se ventiler, pour avoir moins chaud, et il marchait en disant, et celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va lui donner une sortie, et il va lui donner son risque, sa subsistance, de là où il ne s'en attend même pas. Donc il citait ce verset dans surat al-Talaq, et il marchait. Le cheikh dit, فَلَمَّا وَصَلَ إِلَى تِلْمِيذِهِ فِي الدَّرْعِيَّةِ أَصَابَ التِّلْمِيذِ خَوْفٌ وَقَلَقٌ مِنْ مَجِيءِ الشَّيْخِ لأنه يخشى على نفسه وعلى الشيخ من أهل البلد أنهم لأنهم متحاذرون من هذا الشيخ. Donc son élève Suwaylim, il a, Ibn Suwaylim a eu peur pour le Cheikh, parce que quand il est arrivé, il sait que les dirigeants de la ville de cette ville-là, qui est Dar'iyya, si je ne me trompe pas, ils savent, ils ont entendu parler de ce Cheikh et ils sont avertis contre lui. Donc il a eu peur. Donc le Cheikh lui a dit, لا يخطر في بالك شيء أبدا توكل على الله وعلى جل وعلا فهو ينصر من ينصر. Donc il lui a dit, yani, en voulant pour le calmer, il lui a dit, ne t'en fais pas, ne t'énerve pas et mets ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, parce que celui qui défend la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va le défendre, Allah va le supporter. Donc le cheikh dit, وفيما هم كذلك علمت زوجة أمير الدرعية وكانت امرأة صالحة فعرضت على زوجها الأمير محمد بن سعود أن يناصر هذا الشيخ الذي جاء وأنه نعمة, وعليكم السلام ورحمة الله, وأنه نعمة من الله ساقها إليه فالبدار باغتنامه فأدخلت عليه الطمأنينة وحب الدعوة وحب هذا العالم فقال الأمير يأتيني, فقالت زوجته بل اذهب أنت إليه لأنك إذا أرسلت إليه وقلت يأتيني ربما يقول الناس طلبه من أجل أن يبطش به, ولكنك إذا ذهبت إليه يكون هذا عزا له ولك. Donc qu'est-ce qui est arrivé, subhanallah, ça fait partie des choses, comment Allah subhanahu wa ta'ala a fait les choses, yani, par sa sagesse et sa grandeur. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que la femme de l'amir de Ad-Dar'iyya, et cet amir-là c'était Muhammad ibn Saoud, sa femme a entendu parler de la présence du chef dans cette ville, et elle aimait le da'wa, elle aimait le tawhid et tout ça. Donc elle a dit à son mari de supporter et d'aider le chef, et elle lui a dit que c'était une ni'ma que Allah avait amené ce cheikh-là dans sa ville, et de prendre, de saisir l'occasion et de le supporter dans son da'wah. Donc elle, qu'est-ce que sa femme a mis la paix dans le cœur de son mari au sujet du cheikh et l'amour pour le da'wah du cheikh. Donc le cheikh a dit, l'amir a dit, Muhammad ibn Saoud a dit, qu'il me vienne, je vais le faire venir. Mais sa femme a dit non, toi va le voir, parce que si tu le fais venir, les gens vont penser que tu veux le faire venir pour le punir ou quelque chose dans ce genre, ou pour le frapper ou quelque chose comme ça. Tandis que si toi tu y vas, ça va être une izza, ça va être une sorte de fierté pour toi et pour lui. Donc qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Il dit, فذهب إليه الأمير في بيت التلميذ وسلم عليه وسأله عن قدومه فشرح له الشيخ وبين له أنه ليس عنده إلا دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم, وهي الدعوة إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله, وشرح معناها وبين له أنها عقيدة الرسل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc le cheikh, l'amir est allé voir le cheikh dans la maison de son élève, et il lui a demandé comment il est arrivé, si tout était correct, et il a demandé au cheikh de lui expliquer. Donc le cheikh lui a expliqué sa da'wah, et il lui a dit que moi je n'ai rien d'autre que l'appel ou la da'wah des prophètes et des messagers, c'est-à-dire d'appeler à la parole de la ilaha illallah, hein. Et il lui a expliqué la signification de la ilaha illallah et que c'est la croyance de tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. فقال الأمير أبشر بالنصر والتأييد. Je t'annonce la bonne nouvelle que je vais te supporter et je vais t'aider. فقال له الشيخ أبشر بالعز والتمكين لأن هذه كلمة لا إله إلا الله من قام بها فإن الله يمكن له. Il dit, et moi je te donne la bonne nouvelle que tu auras la fierté et la force à cause de cette parole لا إله إلا الله, parce que quiconque l'apprend et il se tient avec et qu'il l'applique, alors Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner la force sur la terre et il va lui donner le pouvoir. Donc le cheikh il a dit, قال له الأمير لكني أشترط عليك شرطا, قال ما هو, قال أن تتركني وما أخذ من الناس, قال الشيخ لعل الله يغنيك عن هذا ويفتح لك باب رزق من عنده. Donc il a dit, j'accepte mais à une condition. Il a dit, c'est quoi la condition? Il a dit que tu me laisses qu'est-ce que je prends des gens. Alors le chef il a dit, peut-être que Allah il va te remplacer ça par quelque chose qui vient de lui, et quelque chose qui va te rendre, qui va faire que tu n'auras plus besoin de qu'est-ce que tu prends des gens, que ce soit une taxe ou des choses de ce genre. Donc ils se sont séparés, فتفرقا على هذا وقام الشيخ بالدعوة وقام الأمير بالمناصرة ثم توافد الطلاب على الدرعية وصار للشيخ مكانه فيها فكان هو الإمام وهو في الصلاة والمفتي والقاضي فتكونت إمارة للتوحيد في بلد الدرعية من ذلك الوقت وأرسل الشيخ رسائل إلى أهل البلدان والقرى يدعوهم إلى الله والدخول في عقيدة التوحيد وترك البدع والخرافات فمنهم من استجاب وانضم إلى الدعوة بدون جهاد وبدون قتال منهم ومن منعه وعانده فقاتل جنود التوحيد بقيادة الأمير محمد بن سعود و donc le cheikh, je vais expliquer qu'est-ce qu'il dit ici. Il dit donc par la suite il y a eu beaucoup d'élèves qui sont venus à la ville de Da'iya et le cheikh a eu un statut et une importance dans cette ville, et il était l'imam dans la prière, et il était le mufti et le juge, et il s'est établi une sorte d'état basé sur le tawhid dans la ville de Da'iya à cette époque-là, et le cheikh envoyait des lettres et des écrits à toutes les villes et à différents pays, différents villages, pour leur expliquer la da'wah qu'ils avaient et le message de la ilaha illallah, pour leur expliquer de laisser tomber le shirk et les bid'ah et les superstitions. Donc il dit beaucoup d'entre eux se sont ajoutés à eux et ils ont suivi sa da'wah sans aucun combat et sans aucun jihad. Et ceux parmi les autres qui ont refusé son da'wah et qui ont décidé de combattre les armées de Tawhid avec la guidance ou avec la dirigeance de l'amir Mohammed ibn Saoud, alors le chef il dit que donc ils les ont combattus, ceux qui ont refusé le Tawhid, ils les ont combattus avec le chef et l'amir Mohammed ibn Saoud. Le chef il dit, وريادة الشيخ قاتل من عاند وعارضه. دونك اوكي اقيد وامتدت الدعوة في بلاد نجد وسلمت له البلاد ومن حولها حتى امير العيينة الذي كان له موقف مع الشيخ دخل في ولاية محمد بن سعود. دونك الدعوة commencé à se répandre et ils ont commencé à prendre de plus en plus d'expansion, et même la ville de Dar'iya ou de Uyayna, l'amir qui l'avait chassé, qui avait refusé sa da'wah, et bien lui-même il était devenu une des différentes wilaya, c'est-à-dire une autre état dans le, ou une autre alliance est allée dans parmi les différentes villes qui faisaient partie de sous la dirigeance de Muhammad ibn Saoud. وكذلك دخلت الرياض بعد قتال شديد امتدت الى الخرج وما وراء الخرج الى الشمال والجنوب حتى عمت من حدود الشام شمالا الى حدود اليمن جنوبا ومن البحر الاحمر الى الخليج العربي شرقا كلها صارت تحت ولاية الدرعية بادية وحاضرة. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le Da'wah s'est répandu et vers le nord et s'est répandu jusqu'à la ville de Kharaj. Et après, même, elle a dépassé Kharaj vers jusqu'à les limites de la Syrie, vers le nord. Et jusqu'au Yémen, vers le sud, les frontières du Yémen vers le sud. Et jusqu'à la mer Rouge, et aller vers l'ouest. Et jusqu'à le golfe Persique, le Khalid al-Arabi, ou Al-Farisi, Sharqan, c'est-à-dire vers l'est. Donc tout ça c'est devenu un seul état, yani. D'accord. Et le Cheikh il dit « Afa Allahu ala al-nas fi al-dir'iyya al-khayr wal-risk wal-ghina wal-tharwa » وقامت بها أسواق تجارية واستنارت بالعلم والقوة ببركة هذه الدعوة السلفية التي هي دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. Donc il dit que à partir de ça, Allah subhanahu wa ta'ala a rempli sa promesse vis-à-vis les gens de Dar'iyya pour il leur a donné beaucoup de biens et beaucoup de subsistance et beaucoup de richesses et al-tharwa et il y a eu beaucoup de marchés et il y a eu, à cause de la science, la lumière s'est répandue, puis la force et la baraka de cette da'wah al-salafiyya qui s'est répandue et qui est l'appel de tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est un petit résumé de la vie du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, et puis ça nous donne une petite idée et un petit exemple de comment les ulama de cette ummah qui ont défendu Al-Kitab al-Sunna et la foi des salafs, comment ils ont, avec la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, eu beaucoup de succès yani, dans l'effort qu'ils ont fait pour faire supporter cette aqida et cette da'wah. Mais il ne faut pas penser que ça a été aussi facile que ça et qu'il n'y a pas eu d'opposition ou de problème par la suite. Parce que comme vous savez, yani, الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين. pour chaque prophète Allah سبحانه وتعالى a envoyé des ennemis parmi les criminels, des ennemis. Mais même pour ceux qui sont pas les prophètes, parmi les ulama et parmi les gens qui appellent au bien, il y a toujours quelqu'un qui vient pour les opposer. Et ça fait partie de l'épreuve et du test d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous savez, yani, le Cheikh est venu avec les preuves du Coran et de la Sunna, comme on va voir en étudiant son livre Usul al-Salata. Tout ce qu'il dit est toujours supporté par les textes du Coran et de la Sunna et par les paroles des ulama. Donc personne n'est capable de réfuter ça. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que celui qui n'a pas d'argument et qui n'a pas de preuves, c'est quoi son arme, qu'est-ce qu'il essaie d'utiliser pour attaquer la vérité? Les mensonges, exactement. Donc c'est la seule arme qu'il possède et c'est ce qu'ils ont commencé à faire. Lorsque le Cheikh Muhammad Abdul Wahhab a commencé à répandre la da'wah et d'expliquer le Coran et la Sunna, alors qu'est-ce que les gens du Bid'a, parmi les Soufia, parmi les Shia Rafida, et parmi les autres gens, parmi les gens de Balal, parce que c'était eux en grande partie les opposants du Cheikh, c'était en grande partie c'était les Soufia et les Asha'ira et les Shia. C'était eux en grande partie les opposants parce que c'est eux qui adorent les tombes et qui vont faire les visites vers les tombeaux puis demander l'aide des morts, etc. En grande partie ce sont ces gens-là. Donc c'était la plupart des opposants du Cheikh, c'était justement Soufia. المشركون يعني ceux qui font le shirk بالله يعني c'était الصوفية une forme de shirk. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est que il y a eu des gens qui ont accusé Sheikh Cheikh Mohamed Abdel Wahab, et encore aujourd'hui, hein, qui accuse ceux qu'on appelle, ceux qu'ils appellent Al-Wahhabiyoun, hein, et ceux qui les ont appelés comme ça, c'était qui? C'était les Soufiyas et les Anglais, les Koufars, parmi les ennemis de l'islam. Et jusqu'à aujourd'hui, hein, vous allez sur Google ou n'importe quel site de recherche sur Internet, vous tapez Wahhabiyya ou Mohamed Abdel Wahab, vous allez voir sortir un paquet de sites écrits par des non-musulmans, écrits par des musulmans, soi-disant, des gens qui commencent à attaquer et à accuser cette da'wah. Et là, souvent, même quand vous allez voir, entendre parler de l'Arabie Saoudite, ils disent « Ah, ça c'est des gens, ils suivent une secte qui s'appelle le wahhabisme, et c'est une sorte d'islam sombre et littéraliste, qui est fermé, qui accepte pas l'interprétation ou je sais pas quoi. » Toutes sortes de façons de faire paraître cette da'wah comme si c'était autre chose que qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait enseigné, d'accord? Comme si c'était autre chose que qu'est-ce que les autres imams de Ahlus Sunnah wal Jama'a ont enseigné avant. Par exemple, cher, que ce soit parmi les Sahaba ou parmi ceux qui les ont suivis, l'imam Ahmad, l'imam Ibn Taymiyyah, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa et les autres parmi les imams de Ahlul Hadith, hein, du passé, et ceux qui les ont suivis par la suite, hein. Donc, tous ces ulama-là ont tous enseigné la même base et les mêmes fondements que le cheikh et l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab, excepté que lui, il a appelé à ça avec fermeté et que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la possibilité d'établir cette aqidah avec force. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là aussi, c'était le début de la colonisation des pays musulmans. À cette époque-là même, ou un peu après, vers 1800, c'est là que Napoléon entrait en Égypte, hein, avec ses bateaux, avec son armée. Donc ça montre que ça c'était le début de l'invasion des forces occidentales dans les pays musulmans. Hein. Donc le fait que cette da'wah commence à se répandre et elle commence à s'établir dans cette région-là du monde, c'était une menace pour les kuffars en même temps qui voulaient, eux, essayer de prendre le plus possible des territoires des musulmans et qui voyaient que le reste du monde musulman était pris dans le soufisme. Hein. Et les kuffars, qu'est-ce qu'ils font avant d'envoyer les armées? Ils envoient toujours soit des missionnaires ou des gens qui viennent pour espionner, étudier le terrain, prendre des informations sur c'est quoi les différentes sectes, c'est quoi les différents groupes qui sont là, qui combat qui est contre quoi, hein. Donc ils ont une bonne compréhension en même temps de la société musulmane, de c'est quoi les idées qui sont propagées. Donc ils savent qui rapprocher d'eux et ils savent qui combattre, et s'ils sont capables d'aider un groupe de musulmans contre un autre, eh bien ils vont le faire. Parce qu'ils voient toujours par rapport à leur intérêt, d'accord? Et lorsqu'ils ont vu la da'wah de ce cheikh, c'est-à-dire Mohamed Abdel Wahab, ils ont vu que réellement c'est une da'wah qui opposait tous leurs intérêts et qui opposait toutes les idées et toutes les choses qu'ils aimaient. Tandis que les soufis, la plupart d'entre eux, ils les accueillaient à bras ouverts et même parfois ils les supportaient. Hein. Comme j'ai lu qu'en Algérie, la Tariqa Tijani, ils ont supporté les Français dans la colonisation algérienne. Donc ça te montre, subhanallah, une certaine situation absurde, il y en a de la part de ces gens-là, et il y en a donc, même que par la suite, j'ai lu aussi que un des chefs de cette Tariqa en Algérie s'est marié avec une Française, et après la mort de ce cheikh-là, ou de ce cheikh Soufi, sauf qu'elle a marié son frère, puis c'est elle par la suite qui est devenue la chef de cette tariqa. J'ai oublié son nom, mais j'ai le livre à la maison. Ouais, cette femme-là, c'est une Française. Elle. Donc, il l'appelait Sayyidat, je sais pas quoi, en tout cas, j'ai oublié. Mais je mets le livre à la maison, c'est un livre qui explique la tariqa Tijaniya et qui montre ses faussetés et ses erreurs. Donc ça nous montre un petit peu pourquoi il y a eu ces oppositions-là de la part de ces gens-là. Puis pour vous donner quelques exemples, comment les ulama, parce que il y a eu beaucoup d'entre ces gens du bid'ah qui ont écrit des livres pour lancer toutes sortes de mensonges et des accusations contre le cheikh. Et jusqu'à maintenant, ils continuent à répandre ces livres-là, même encore aujourd'hui. Sauf que, qu'est-ce qu'on oublie et qu'est-ce que beaucoup de gens savent pas, c'est que les imams de cette da'wa, parmi les élèves du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et le cheikh lui-même, Mohammed ibn Abdul Wahhab, a écrit des réfutations contre ces gens-là, il a clarifié la vérité, il a rejeté les mensonges qui ont été dits contre lui, et il a clairement expliqué sa position lorsqu'il y avait des ambiguïtés. Et parmi les chouhours et les ulama qui ont écrit à cette époque-là pour répondre ces chouhourats et ces mensonges-là, eh bien, ils ont clarifié beaucoup de positions. Et parmi les plus importantes, parmi, disons, les chouhourats qu'ils ont émis, c'est de dire que les wahhabiyas ou bien les gens qui suivent Muhammad ibn Abdul Wahhab sont des khawarij. Hein, ils ont accusé d'être des khawarij. Ils ont accusé d'être des gens qui déclarent que toute la Oumma sont des koufars, hein. Et ils les ont accusés aussi, également, de dire que Muhammad ibn Abdul Wahhab venait d'une région qui s'appelle le Najd. Et ils disent qu'à cet endroit-là, il y avait le faux prophète qui s'appelait Musaylamat al-Kadhab. Et ils ont même inventé des faux hadiths pour dire que vers la fin des temps, il y aura quelqu'un qui va venir de cette région-là et il va être contre l'islam ou il va amener une nouvelle religion, hein, parmi les mensonges qu'ils ont inventés. Donc, pour réfuter ces choses-là, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a répondu lui-même à ces gens-là, hein, parfait. Que ce soit eux ou les Anglais, les deux en fait, ils les ont appelés comme étant des wahhabis. Mais c'est comme les ulama ils ont dit, si d'adorer Allah seul et d'appeler au tawhid, ça fait de moi un wahhabi, alors je dis, je suis un wahhabi, tu vois. C'est comme ça de... Si c'est juste pour ça que vous me blâmez, que je rejette les bid'ahs, que j'appelle au tawhid, que je rejette le shirk, ça fait de moi un wahhabi, alors alhamdoulilah. J'ai pas de problème avec ça, moi je suis un wahhabi aussi, alors dans ce cas-là. Alors le cheikh il dit, et même certains groupes par exemple aujourd'hui ils essaient de faire une sorte de lien entre Bin Laden et les attentats et les groupes de terroristes et toutes ces choses-là, ils essaient de faire des liens entre ça et al-wahhabiyya et la da'wa de Muhammad Abdul Wahhab, et de dire que bon, tous ces gens-là appellent à la même chose, sont tous ensemble dans cette da'wa. Alors que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab n'a rien à voir avec Bin Laden, et Bin Laden n'a rien à voir avec Mohammed ibn Abdul Wahhab. Bin Laden c'est un khariji, c'est un mubtada', il a quitté la sunna, tandis que le cheikh n'a jamais appelé, Mohammed ibn Wahhab n'a jamais appelé quiconque à faire qu'est-ce que Bin Laden a fait, donc il n'a aucun lien, aucun rapport entre les deux groupes de ces gens-là, d'accord. Mais là, qu'est-ce qui arrive, le chef par exemple il dit wa fi risalatihi li ahli al-qasim yushir rahimahullah ila muftariyat al-khasm al-anid ibn suhaym wa yubarri'u nafsahu min firyat takfir al-muslimin wa qatlihim. Yaqul al-shaykh al-imam wallahi ya'lamu anna ar-rajul iftara 'alayya umuran lam aqulha wa lam ya'ti aktharuha 'ala bali. ومنها قوله أني أقول إن الناس من 600 سنة ليسوا على شيء، وأني أكفر من توسل بالصالحين، وأني أكفر البصيري، وأني أكفر من حلف بغير الله، وجوابي عن هذه المسائل أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم. Donc ça c'est les paroles de l'imam qui l'a dit en réponse aux mensonges qui ont été dits contre lui par Ibn Suhaym, un des chouyours qui attaquait cette da'wa. Donc il l'avait accusé de faire le takfir des musulmans. Alors Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a dit, Allah sait que cet homme-là a inventé beaucoup de mensonges à mon sujet, que je n'ai jamais dit, et que la plupart d'entre elles ne sont jamais venues à mon esprit. Parmi ces choses-là, que moi depuis 600 ans je dis que les gens ne sont sur rien, sur aucune chose, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas musulmans depuis 600 ans, et que je déclare que toute personne qui fait le tawassul par les salihins, c'est des kuffars, ou que je déclare al-busayri, hein, et comme étant un kafir. Vous avez Al-Busayri, celui qui a écrit Al-Burda, hein. Donc, il y a dans son poème, Al-Burda, des paroles de shirk. Hein, par exemple, il dit, wa inna min judika dunya wa darrataha, wa inna min ulumika ilmu al-lawhi wal-qalami. Donc, il attribue au prophète sallallahu alayhi wa sallam la connaissance de qu'est-ce qui est dans al-lawh, al-mahfouz. Donc, ça, c'est une connaissance qui appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie du ghaib. Et de l'attribuer à quiconque d'entre les créatures d'Allah, c'est une forme de shirk billah, parce que tu donnes à Allah, à une créature, une attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et parmi les autres exemples, il dit, ya ahsan al-khalq ma li aluzu bihi siwaka, عند الحادث العلمي ou quelque chose comme ça. Donc, toi la meilleure des créatures, en qui d'autre vais-je chercher le refuge lors du grand malheur, hein. Donc ça c'est une forme d'istirat, hein, de chercher le secours en autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est shirk billah. Donc, c'est sûr que le dire des paroles comme ça c'est shirk. Maintenant, est-ce que ça veut dire que le cheikh Mohammed Abdul Wahhab a déclaré Al-Busayri comme étant un kafir? Pas du tout, parce qu'il est mort. Et on ne sait pas s'il a fait le tawbah, comme on va voir tout à l'heure, qu'est-ce que le cheikh a dit là-dessus. Donc, ils disent que j'ai déclaré kafir toute personne qui jure par autre que Allah. Et ma réponse à ça, c'est de dire Subhanaka hadha buhtanun azim. Subhanallah, ça ce sont des grandes calomnies. Je n'ai jamais dit des choses pareilles. Hein? Et un autre exemple aussi, ويؤكد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بطلان تلك الفرية ويضحضها فيقول في رسالة لحمد التويجري وكذلك تمويله على الطغام بأن ابن عبد الوهاب يقول الذي ما يدخل تحت طاعتي كافر ونقول سبحانك هذا بهتان عظيم بل نشهد الله على أن على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم في أي زمان وأي مكان وإنما نكفر من أشرك بالله في ألوهيته بعدما تبين له الحجة على بطلان الشرك. Donc qu'est-ce qu'il dit ici? Il répond aux accusations de certains d'entre les gens de Bid'a et de Shirk. Et il disait, parmi ce qu'ils ont propagé, hein, parmi les gens, yani, que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit que celui qui n'entre pas sous notre obéissance est kafir. Et notre réponse, il dit, je dis, subhanallah, ça c'est une grande calomnie, je n'ai jamais dit quelque chose pareil, et de ce genre. Et je mets Allah comme témoin de ce qu'il, parce qu'il sait de ce qui est dans nos cœurs, que toute personne qui a agi selon le tawhid et qui s'est désavoué du shirk et de ceux qui le pratiquent, que c'est lui le musulman. Peu importe à quelle époque il vit et peu importe à quel endroit il vit. Et nous ne déclarons mécréant que celui qui associe avec Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration, après que la preuve ait été établie contre lui, au sujet de la fausseté du shirk. Et parmi les autres exemples, il dit « يؤكد الشيخ مرة أخرى بطلان تلك الدعوة وأنها دعوة كذب وبهتان فيقول جوابا على سؤال الشريف أما الكذب والبهتان فمثل قولهم أننا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على من قدر على إظهار دينه وأننا نكفر من لم يكفر وأن نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل ومثل هذا وأضعاف أضعافه وكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. Donc il dit, le cheikh il dit, en réponse à d'autres mensonges, hein, il a écrit une lettre pour répondre à certaines de ces accusations là et il a dit, en ce qui concerne le mensonge et les calomnies, par exemple de dire que nous on déclare les gens kuffar en général et qu'on oblige les gens à faire le hijra vers nous, même si les gens là où ils sont capables d'appliquer leur religion, et que nous, toute personne qui yani qu'on déclare comme étant mécréants ceux qui n'ont pas commis le kufr et qui n'ont pas combattu avec nous, tout ça ce sont des mensonges et ce sont des calomnies que ces gens-là racontent pour bloquer le chemin pour que les gens acceptent pas la da'wah du tawhid et pour qu'ils acceptent pas la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après le cheikh il dit au cheikh Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullahab يقول ويفند تلك الفرية فيقول الفيس الشيخ يمدي عبد الله يمدي وأما ما يكذب علينا سترا للحق وتلبيسا على الخلق بأننا نكفر الناس على الإطلاق أهل زماننا ومن بعد الستمية إلا من هو على ما نحن فيه من فروع من ومن فروع ذلك أن لا نقبل بيعة أحد إلا بعد التقرر عليه بأنه كان مشركا وأن أبويه مات على الشرك بالله فلا وجه لذلك فجميع هذه الخرافات وأشباهها لما استفهمنا عنها من ذكر أولا كان جوابنا في كل مسألة من ذلك سبحانك هذا بهتان عظيم. Donc il dit que parmi les choses qu'ils ont menti à notre sujet yani pour cacher la vérité et pour tromper les gens, que nous on déclare tout le monde comme étant des koufars depuis 600 ans et que toute personne qui ne sont pas d'accord avec nous, eh ben on déclare qu'ils sont des koufars. Et parmi ces choses-là, ils disent que nous on n'accepte pas le bay'a de quiconque après qu'il ait affirmé qu'il était un mushrik et que tes parents étaient des mushrikines. Hein? Et il dit, toutes ces superstitions-là et ces mensonges-là, lorsqu'on nous a demandé à leur sujet, on a répondu, ça ce sont des mensonges et des calomnies. فَمَنْ رَوَى عَنَّا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ أَوْ نَسَبَهُ إِلَيْنَا فَقَدْ كَذَبَ عَلَيْنَا وَافْتَرَى. Quiconque dit des choses de ce genre à notre sujet et rapporte ça à notre sujet, alors sachez qu'il a menti sur nous. وَمَنْ شَاهَدَ حَالُنَا وَحَضَرَ مَجَالِسَنَا وَتَحَقَّقَ مِنْ عِنْدِنَا مِنْ عَلِمَ قِطْعِيًا أَنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ وَضَعَهُ عَلَيْنَا وَافْتَرَاهُ أَعْدَاءُ الدِّينِ وَإِخْوَانُ الشَّيَاطِينِ. Et toute personne qui s'est assise avec nous et qui était présent avec nous, il voit et il va comprendre que ces choses-là, c'est des choses qu'ils ont inventé et qu'ils ont dit à notre sujet et que ça n'a rien à voir avec la vérité. وتنفير من الناس عن الإذعان بإخلاص التوحيد لله بالعبادة وترك أنواع الشرك الذي نص عليه بأن الله لا يغفره. Et ça c'est pour bloquer les gens et pour faire fuir les gens de cette da'wah et le tawhid, expliquer que l'adoration appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on n'a pas le droit d'offrir quoi que ce soit de l'adoration à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc eux ils veulent éloigner les gens de ça, alors ils inventent des mensonges. Donc le cheikh dit فَإِنَّا نَعْتَقِدُ أَنَّ مَنْ فَعَلَ أَنْوَعًا مِنَ الْكَبَائِرِ كَقَتْلِ مُسْلِمٍ كَقَتْلِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍ والزنا والربا وشرب الخمر وتكرر منه ذلك أنه لا يخرج بفعله ذلك من دائرة الإسلام ولا يخلد به في دار الانتقام وإنما وإذا مات موحدا بجميع أنواع العبادة. Donc le chef il explique ici la position de Ahlus Sunnah wal Jama'a à ce sujet là. Il dit nous on croit que toute personne qui fait un parmi les grands péchés, que ce soit de tuer un musulman sans raison ou de faire le zina, ou de manger le riba, ou de boire de l'alcool, et qu'il fait ça plusieurs fois, et qu'il meurt dans cet état-là, il ne sort pas de l'islam pour avoir fait ce péché-là. Et on ne dit pas qu'il sera éternellement dans l'enfer s'il meurt sur le tawhid. Hein? Et ça c'est la position de tous les imams d'Ahlus Sunnah wal Jama'ah, hein? Contrairement à la position des Khawarij. Parce que les Khawarij, ce sont ceux qui déclarent les gens des musulmans comme étant des koufars pour avoir commis un péché parmi les grands péchés. Et l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab et ceux qui les ont suivis n'ont jamais déclaré quiconque comme étant un kafir parce qu'il a commis un grand péché. Donc ça ce sont des mensonges que ces gens-là ont inventés à ce sujet-là. Et lorsqu'ils ont inventé par exemple d'autres exemples aussi, il dit وسئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله فقال السائل إنكم تكفرون بالمعاصي فأجاب ليس هذا قولنا بل هذا قول الخوارج الذين يكفرون بالذنوب لم نكفر أحدا بعمل المعاصي بل نكفر من فعل المكفرات كالشرك بالله بأن يعبد معه غيره فيدعو غير الله أو يسبح له أو ينظر له ويخافه ويرجوه ويتوكل عليه فإن هذه الأمور كلها عبادة بنفس القرآن إلى آخر جوابه رحمه الله. Donc lorsque on lui a demandé à un chef qui s'appelle Hamad ibn Nasir ibn Muammar, est-ce que c'est vrai que vous déclarez les gens comme étant des kuffars parce qu'ils ont commis des péchés? Eh bien le chef a dit non, ça ce n'est pas notre position, ça c'est la position des Khawarij, ceux qui déclarent les gens comme étant des kuffars à cause des péchés. Et nous, on ne déclare personne comme étant un kafir pour un péché qu'il a fait. On déclare uniquement kafir celui qui commet un acte de kufr ou de shirk, comme par exemple d'adorer autre avec Allah subhanahu wa ta'ala, de demander ou de faire des invocations à autre que Allah, ou de dégorger pour autre que Allah, ou de faire des vœux pour autre que Allah, ou de craindre autre que Allah et d'espérer et de mettre sa confiance en autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes ces choses-là sont des adorations selon les textes du Coran et de la Sunna. Et donc ça c'était une partie des réponses du Cheikh à ce sujet-là. Et également au sujet des gens qui ont dit que le Cheikh, ils ont mentionné certains hadiths qui disaient que les cornes du Shaitan vont venir de l'Est. Hein, et il y a plusieurs hadiths de ce sens-là qui disent que la fitna va venir de l'Est et que les cornes du Shaitan vont venir de l'Est. Le cheikh et les chouïfs ont répondu à ce sujet-là. Ils ont dit que إن المراد بالمشرق والنجد في هذا الحديث وأمثاله هو العراق لأنه يحاذي المدينة من جهة الشرق ويوضحه أن في بعض طرق هذا الحديث وأشار إلى العراق. قال الخطابي نجد من جهة المشرق ومن كان بالمدينة وكان نجد بادية الشام ونواحيها فهي مشرق أهل المدينة وأهل نجد مرتفع وأصل نجد مرتفع من الأرض. Donc نجد c'est une plaine, comme on a dit un plateau, toute terre surlevée, on appelle ça un نجد dans la langue arabe. Et le نجد pour la région de Médine c'est l'Irak, tandis que pour ceux qui sont à la Mecque c'est Najd al-Yamama et l'Irak, la région de qu'est-ce qu'on appelle le Najd aujourd'hui en Arabie Saoudite. Donc le Najd dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle dans le hadith et qu'il dit que la fitna va venir de l'Est, c'est pas de Najd al-Yamama qui est en Arabie Saoudite, mais c'est le Najd qui est l'Irak. Et effectivement si on regarde à travers l'histoire de l'islam, la fitna est toujours venue de la région de l'Irak. Et encore aujourd'hui, même au XXe siècle qu'on vit, il y a encore la fitna, et cette fitna elle sort toujours de l'Irak. Hein? Donc il ne faut pas se surprendre. Et ces gens-là parmi les soufis, hein, les gens de Béda, ils ont inventé, ils ont pris ces hadiths-là pour essayer de les appliquer au cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, alors que ça n'a rien à voir avec le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et ils ont critiqué le cheikh parce qu'ils ont dit c'est de là que venait Musaylamah al-Kadhdhab. Et les ulama ils ont répondu, ils ont dit si c'était le cas, donc on devait rejeter tout endroit où il y a eu un kafir qui a vécu, comme par exemple en Égypte il y a eu Pharaon. Donc ça veut dire on devrait rejeter tous les ulama qui viennent de l'Égypte parce que Pharaon a vécu là-bas, et donc ça c'est une fausseté, un mensonge. Hein? Donc le fait que Musaylamah al-Kadhdhab ait été au Najd, ça n'a rien à voir avec le fait que quelqu'un peut sortir de cette ville-là et appeler à la vérité et expliquer la réalité du Tawhid. Donc j'espère que ça a clarifié quelques points, et puis ça c'était juste une introduction, puis la semaine prochaine, Inch'Allah, on va commencer à l'usul al-thalatha, Inch'Allah. Donc, subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.